بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله aujourd'hui le lundi 9 du mois de l'Hijja le grand jour de Arafah demandons à Allah de nous accorder de ses faveurs et de ses bienfaits et de ses grâces dans ce jour en particulier et dans tous les jours jusqu'à le rencontrer. Le 9 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 19 juillet 2021, nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre étude de Durus al-Muhimma du Sheikh al-Allama Abdelaziz bin Baz, décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants vivants et morts. Aujourd'hui, nous allons parler dans la huitième leçon de cette risala des obligations de la salat. Les obligations de la salat. Nous avons parlé des piliers et des conditions dans les cours précédents et aujourd'hui on va parler des obligations de la salat. Donc, les obligations dans la salat, c'est des actes et des paroles obligatoires que le musulman doit faire dans sa salat. Mais la différence entre l'obligation et le pilier, malgré que tous les deux, on doit les faire obligatoirement dans la salat, le pilier, si jamais tu l'oublies, tu dois le rattraper. Sinon, la salat est invalide. Le pilier est indispensable pour la validité de la salat. Par contre, l'obligation, comme bien même tu dois la faire obligatoirement dans ta salat, si tu l'oublies, tu la compenses par sujoud sahou, les deux prosternations de distraction. Donc ça, c'est la différence entre l'obligation et le pilier. Et tous les deux font partie de l'adoration. Tous les deux font partie de l'adoration. Contrairement à la condition, qui est une chose externe à l'adoration, comme les ablutions, comme l'entrée de l'heure, comme le fait de se diriger vers le Qibla. Donc ça, c'est les conditions et les piliers. Et aujourd'hui, on va voir les obligations de la salat. Cheikh Rahimahullah a dit « Wajibatu salati wa hiya thamaniya » Les obligations de la salat qui sont au nombre de 8. Comme je vous ai dit dans le madhab al-Maliki, ils n'ont pas les obligations. Ils ont ce qu'ils appellent fara'id. Le fara'id, c'est la même chose que les piliers. Dans ce qu'on a vu. Et la deuxième chose qu'ils ont, c'est as-sunan. C'est as-sunan. Sunan, c'est l'équivalent des obligations dans ce qu'on va voir. Et la troisième chose qu'ils ont dans le madhhab al-Maliki, al-fada'il, les choses méritoires qui correspondraient aux sunan que nous allons étudier, incha'Allah. Donc, les obligations dans la salat sont au nombre de 8. La première obligation, jami'u takbirati al-ihram, afwan, jami'u takbirati جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. J'ai oublié de préciser que, yani j'ai dit que le pilier, tu dois le faire obligatoirement dans la salat, contrairement à l'obligation. Si tu l'oublies, tu la compenses avec sujoud sahou. Prenons un exemple. Quelqu'un qui n'a pas, récité le Fatiha dans le raka, ou qui a délaissé un rukou' ou un sujoud, il a délaissé un pilier dans la salat. Il lui est obligatoire de rattraper ce pilier. Donc, on va prendre un exemple concret. On va se limiter à un seul exemple. Quelqu'un, au moment où il devait descendre vers l'inclinaison, al-ruku', il est descendu directement vers sujoud. Donc, il a oublié al-ruku', un pilier. Salat n'est valide qu'avec al-ruku'. On lui dit, tu reviens au ruku'. Tu reviens au ruku'. Quelle que soit la position où t'es, tu reviens au ruku'. Et tu fais ruku' et tu continues ta salat. Et tu considères que tout ce que t'as fait avant de revenir au ruku' est invalide. Comme si t'as rien fait. Donc quelqu'un, dans la deuxième raka'a, au moment où il devait faire ruku', il a fait sujoud. On lui dit, tu remontes, tu te mets droit et tu fais ruku'. Tu te mets droit et tu fais ruku'. Et tu continues ensuite. Tu te relèves, tu descends vers sujoud et tu continues salat normalement. Sauf dans un seul cas, le cas où il est arrivé au ruku' de la raka'a suivante. Dans ce cas-là, il va considérer la raka'a dans laquelle il manque un ruku', il va la considérer comme caduque, et la raka'a qu'il est en train de faire va la remplacer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair pour vous. Ce que je suis en train de dire maintenant, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à le mentionner directement, comme ça on revient dessus et on ne passe pas jusqu'à le comprendre, inshallah ta'ala. La règle, quand tu oublies un pilier, il t'est demandé de revenir à ce pilier. Tu as oublié un sujoud, tu reviens au sujoud. Tu as oublié un ruku', tu reviens au ruku'. Sauf dans le cas où tu es arrivé dans la raka'a suivante, au même endroit, oublié. Dans ce cas-là, ça sert à rien de revenir. Ça sert à rien de revenir. Tu vas annuler raka'a dans laquelle il manque un sujoud et tu continues ta salat. Et à la fin de ta salat, t'auras un rajout. C'est pour ça, tu vas faire deux prosternations de distraction après salam. Et si tu les fais avant salam, il n'y a pas de mal. Mais le mieux, c'est après salam. Pour les rajouts, on fait les deux prosternations après salam. Pour les manques, on fait les deux prosternations avant salam. Pour combler et compléter le manque. Quand il y a un rajout, on ne rajoute pas une autre chose. C'est pour ça qu'on fait après salam. Et quand il y a un doute, on fait avant salam. Ça, c'est les trois cas qu'on puisse avoir dans le salat. Un rajout, un manque, un doute. Le rajout, on fait après salam. Le manque, avant salam. Le doute, avant salam. Donc on a dit, s'il lui manque un pilier, il doit revenir à ce pilier et le faire. Sinon, la salade devient invalide. Et si il se rappelle du manque qu'à la fin de la salade, il a fini sa salade, il a fait salam, il s'est rappelé que dans la deuxième raka'a, par exemple, il n'a pas fait de recours. Donc, il lui manque une raka'a. S'il n'y a pas eu une longue coupure entre, yani une longue séparation entre le moment où il a fait salam et le moment où il s'est rappelé, il va se lever et dire Allahu Akbar et faire une seule raka'a pour compléter sa salat. Donc ça, s'il n'y a pas eu une longue séparation. Et la longue séparation, c'est un moment qui dépasse le moment dans lequel tu fais l'adhkar. Quand tu finis salat, l'adhkar, tu l'es fait en 2-3 minutes. Ça, yani, tu peux compléter ta salat. Mais s'il y a une longue coupure, une longue séparation, dans ce cas-là, la salat devient invalide et tu dois recommencer ta salat. Pour le rajout après salam, et je vais vous donner un moyen technique de retenir. Pour le rajout, on fait après salam. Car quand on a déjà un rajout dans la salat, on ne va pas rajouter les deux prosternations en plus. C'est pour ça qu'on va les faire après salam. Ça, ce n'est pas la raison pour laquelle on fait après salam. La raison, c'est dalil. Mais ça, c'est un moyen technique de retenir. Et quand on a un manque dans la salat, on a oublié une obligation ou une sunna ou plusieurs sunna, on va compléter le manque avec sujud sahou. C'est pour ça qu'on va faire sujud sahou avant salam. Et quand il y a un doute, on fait sujud sahou avant salam également. Quand il y a le doute, on fait sujud sahou avant salam. Donc ça, s'il oublie un pilier. Maintenant, si on prend un exemple, il oublie une obligation. On a vu la première obligation, c'est toutes les takbirat, excepté takbirat l'ihram. Yani, Allahu Akbar, la première qu'on appelle takbirat l'ihram, qui est un pilier. Donc, il a oublié une takbira qu'on appelle takbirat l'intiqal, pour passer d'un pilier à un autre. Au moment où il voulait descendre pour rukou, il est descendu sans dire Allahu Akbar. Le pilier, c'est le terme Allahu Akbar, la formule Allahu Akbar. Et l'obligation, c'est la formule Allahu Akbar. C'est pas le fait de lever les mains. Lever les mains, c'est une sunna. Dans toutes les takbirat. On va le voir dans les sunan. Mais dans les obligations, c'est le fait de dire Allahu Akbar pour passer d'un pilier à un autre. Donc, il a oublié de dire Allahu Akbar, il est descendu directement vers Ruku. Il lui manque une obligation. Dans ce cas-là, quand il termine sa salat, il fait deux prosternations de distraction avant salam, car il a un manque de sa salat, un manque qui se compense avec ce sujud sahou. Le manque d'une obligation ou d'une sunna ou plusieurs se compense avec ce sujud sahou. Le pilier ne se compense qu'en le rattrapant. Sinon, salat est invalide. Et par contre, s'il délaisse une obligation volontairement, quand il a voulu faire recours, volontairement, il s'est dit dans cette salat, je vais pas dire Allahu Akbar. Donc, il délaisse une obligation volontairement. Dans ce cas-là, salat est invalide, devient invalide. Sa salat devient caduque. J'espère que c'est clair. Ça, c'est parmi les choses les plus importantes qui concernent salat. Comment la réparer, et ainsi de suite. Donc, on a les obligations. si les prosternations de distraction sont faites avant. Non, c'est pas une erreur grave. Il n'y a pas de mal. Il y a des savants qui voient que peu importe, tu les fais avant, après, c'est pareil. Il y a des savants qui voient, comme l'imam Ahmad, que tu les fais tout le temps avant salam, excepté les situations où Nabi Sallam a fait après salam. Ça, c'est le madhab de l'imam Ahmad. Tu fais toujours les prosternations avant salam, excepté là où Nabi Sallam les a fait après salam. Mais le madhab le plus fort, c'est le madhab de l'imam Malik, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Pourtant, Ibn Taymiyyah, à la base, c'est un Hanbali. Mais c'est un savant mujtahid. Il suit Dalil. Mais chaque savant suit une école dans sa formation et dans l'acquisition des bases. Il ne peut pas venir et attaquer les livres de la Sunna et aller vers le Bukhari et tirer directement sa science. Il faut qu'il ait des outils. Et ces outils, il va les former en allant graduellement selon une école de jurisprudence. Mais l'étudiant doit savoir que quand il étudie selon un madhab, il ne doit pas faire preuve de fanatisme et croire que la vérité est limitée dans ce madhab ou qu'il est obligatoire de suivre ce madhab. Ça, non. Mais pour commencer, par exemple, tu veux apprendre le fiqh selon le madhab al-Maliki, tu vas commencer par matn ou nazm al-akhdari ou matn al-akhdari wa nazm. Yani, il y a les deux. Donc tu vas commencer par l'akhdari dans la jurisprudence des adorations. Et dans ce matn, il va te parler uniquement de la purification, salat et sujoud sahou. Ça s'arrête là. Après, il y a d'autres matns qui sont plus détaillés, notamment l'Ashmawiyya, et ensuite matn ou nazm ibn Ashir, al-Fasi, Abdel Wahid ibn Ashir. Ça, c'est parmi les anzam les meilleurs dans le fiqh al-Maliki, pour commencer. Tout en étant en garde contre son introduction dans laquelle il a parlé de l'Ash'ariya. Mais sinon, quand il parle de l'fiqh, c'est parmi les meilleurs livres pour débutants. Et parmi les livres les plus complets. Il parle dans ce livre des cinq adorations. Et il faut se méfier aussi de l'Khatima. Yani, la fin du livre, quand il a fini de parler de l'fiqh, il a fait un chapitre dans lequel il a parlé de tasawwuf. Ensuite, il y a Risala de l'imam Ibn Abi Zayd, un savant salafi. Et ensuite, la dernière étape dans le fiqh al-Maliki, c'est Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil. Donc, délaisser une obligation volontairement, ça invalide la salat. Mais la délaisser par oubli, ça se compense par sujoud as-sahou. Si l'imam prononce takbir al-intiqal, une fois arrivé en sujoud, la tête au sol, au lieu de le dire durant le déplacement, quel est le jugement? Ça fait partie de la sunna. Nabi alayhi sallam, il est rapporté de lui qu'il a dit takbir de l'intiqal de trois façons. Il l'a dit en étant complètement debout. Il l'a dit pendant son acte et il l'a dit juste avant d'arriver. Juste avant d'arriver. Et pour un imam, il est recommandé de le dire après avoir commencé l'acte. Il veut descendre vers sujoud, il ne commence pas tout de suite. Il attend de descendre un petit peu et après il commence à takbir pour éviter aux gens derrière lui de le devancer dans le takbir. Car les gens, dès qu'ils entendent l'imam, il dit Allah Akbar, ils descendent comme des flèches. Et ils peuvent arriver avant lui. Surtout s'il est âgé, il est lent. طيب. Donc, la première obligation, toutes les takbirat, excepté la première, takbirat al-ihram. Donc, toutes, ce sont des obligations. Le deuxième pilier, la deuxième obligation, la parole, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. Allah entend celui qui le loue. Ça, c'est une obligation pour l'imam et pour celui qui prie seul. Et également, ça c'est l'avis de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et de beaucoup de savants. Il voit que c'est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie seul. Car celui qui prie derrière l'imam, pour eux, il ne dit pas « Sami'a Allahu liman hamida ». Il se lève de ruku' sans rien dire. Jusqu'à être debout, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Car « Rabbana wa lakal hamd », qui est la troisième obligation citée, « Notre Seigneur, à toi la louange », ça se dit « Comptez complètement debout ». C'est une erreur de commencer à dire « Rabbana wa lakal hamd » en se relevant de ruku'. Ça, c'est une erreur, car la place de cette formule, c'est compter debout. Et tu te relèves en disant « Sami'a Allahu liman hamida ». Mais pour des savants, ils voient que ça, c'est réservé à l'imam et celui qui prie seul. Celui qui prie derrière un imam, il ne dit rien. Personnellement, je suis convaincu que tout le monde dit cela, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Même celui qui est derrière l'imam, il se redresse de ruku' en disant « Sami'a Allahu liman hamida » comme son imam. Car la règle de base dans salat, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ceux qui disent que le ma'moum, il ne le dit pas, ils disent, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida » فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, rapporté dans les deux authentiques, quand l'imam il dit « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » dites-vous « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». Ils ont dit « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » c'est pour l'imam. Et « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » c'est pour le ma'moum. Mais ceux qui disent que tous les deux le disent, leur réponse et que la règle de base dans salat, c'est que le ma'moum suit l'imam dans toute chose. Le Nabi alayhi sallam dit, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. L'imam a été placé afin qu'on le prenne comme exemple et qu'on le suive dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. C'est pour ça, wallahu a'lam, même le ma'moum, il dit, en se relevant, il dit « Sami'a Allahu liman hamida ». Quand il lève sa tête de ruku', il dit « Sami'a Allahu liman hamida ». Une fois arrivé à la position debout, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». S'il prend l'autre avis, il se relève sans rien dire. Et une fois debout, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Et parmi les réponses des savants aussi, qui appuient l'avis que je vous ai donné de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est que dans salat, dans chaque déplacement, dans chaque geste, il y a des invocations et des adhkars, des évocations qui sont légiférées. Donc il n'y a pas quelque chose où on ne dit rien. Wallahu a'lam, c'est une question de divergence. Donc en tout cas, ce qui est important pour moi, si tu ne dis pas Sami Allahu liman hamida, ne commence pas par dire Rabbana wa lakal hamd en te relevant de ruku'. Ça, c'est une erreur pour tout le monde. Et ensuite, une fois debout, tu dis « Rabbana wa lakal hamd ». Ça, c'est une obligation. Et cette formule a été rapportée de plusieurs façons. « Rabbana wa lakal hamd »« Rabbana lakal hamd »« Allahumma rabbana wa lakal hamd »« Allahumma rabbana lakal hamd » Donc, toutes sont authentiques. Tu dis une d'entre elles, c'est bon pour toi. Lakin, comme vous savez, Aïkhwa, Vous savez que la divergence est de deux catégories. اختلاف وتنوع واختلاف وتضاد. Il y a une divergence dans laquelle les avis s'opposent l'un à l'autre. Un il dit halal et l'autre il dit haram. Tu peux pas mettre en pratique les deux. Dans ce cas-là, la vérité elle est unique. Tu dois faire les efforts d'être dans la vie juste. Et il y a une deuxième catégorie de divergence qu'on appelle divergence de diversité, telles que les différentes formules rapportées dans Tashahud, dans Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Rabbana wa lakal hamd. Et la sunna, et le mieux dans ce cas-là, c'est de varier, de mémoriser ce que tu peux mémoriser de ces invocations, et de, à chaque fois, t'utilises une d'entre elles. Ça, c'est meilleur. Et ça, subhanallah, il y a une sagesse en cela, c'est que tu ne vas pas tomber dans la routine dans ta salat. Car il y a des fois, à force de dire tout le temps les mêmes choses, il y a des gens, toujours nafila, il lit, inna a'tainak al-kawthar, qul wallah ahad. Et tout le temps, il répète les mêmes adhkar dans toute sa salat. Yani à force, il fait machinalement salat, il sait même pas ce qu'il fait. Ça devient une habitude. Et ce n'est plus une adoration. Et justement, ces choses dans lesquelles a été rapporté plusieurs variétés de adhkar, yani le fait de les utiliser, chaque fois tu utilises un d'entre eux, ça te permet de ne pas tomber dans ce piège où l'adoration devient une habitude. L'ibada tusbihu adatan. Wallah al-musta'an. La quatrième obligation que Cheikh Rahimullah a cité, c'est de dire Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Gloire à mon Seigneur l'immense. Tu le dis dans le recours. Tu le dis dans l'inclinaison. Ça, c'est la quatrième obligation. Et la cinquième obligation, c'est de dire Subhana Rabbil A'la. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu le dis dans ce jour, dans la prosternation. Dans la prosternation. Donc ça, également, ce sont des obligations. De dire Subhana Rabbil Azim et de dire Subhana Rabbil A'la. L'obligation, c'est de les dire une seule fois. Une seule fois. Ça, c'est l'obligation. Quelqu'un qui ne dit pas Subhana Rabbil Azim dans le recours, ne serait-ce qu'une seule fois, il lui manque une obligation. Et s'il la délaisse volontairement, salat est invalide. Il la délaisse par oubli, il la compense par sujoud sahou. Donc, l'obligation, c'est une fois. Le minimum de la perfection, c'est trois fois. Et le maximum de la perfection, pour celui qui est imam, c'est dix fois. Et pour celui qui prie seul, il le répète autant qu'il le souhaite, plus il dit, mieux c'est pour lui. Mais quand t'es imam, t'as des gens qui prient derrière toi, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont pressés, qui travaillent, et ainsi de suite. Tu dois ne pas dépasser ce que la prière de Nabi alayhi sallam. Et la prière de Nabi alayhi sallam, elle a été estimée par Anas radiallahu anhu et Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, à ce nombre, 10. Il disait à peu près 10 fois Subhana Rabbil Azim dans le recours. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Une anecdote, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, il a été demandé par le roi, le Malik Abdel Aziz, le père de tous les rois actuels d'Arabie Saoudite, leur père, qui était un grand savant, un savant de tawhid, et qui a propagé tawhid, et qui aimait les savants. Et justement, cette histoire, cette anecdote, le démontre. Il a demandé à Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, de diriger salat dans le Masjid Nabawi, et de devenir imam de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Cheikh Rahimallah a refusé. Il a dit, je ne peux pas car je dis 10 fois, Subhana Rabbil Azim. Et vous imaginez qu'il ne doit pas dire Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. 10 fois dans le recours et 10 fois dans le sujoud. Si vous acceptez cette condition, oui. Sinon, je décline. Et le roi, rahimahullah, le Malik Abdelaziz, lui a dit que ça va être lourd pour les gens. Et il lui a demandé de lui recommander quelqu'un pour diriger. Il lui a recommandé Cheikh Abdelrazzaq Hamza, rahimahullah, son ami, un autre savant de Tawhid, qui est originaire de l'Égypte. Mais si l'imam il dit 3 fois, c'est un juste milieu. C'est un juste milieu. Car le minimum de la perfection est de le dire 3 fois. Ça, que tu pries toi seul ou que tu sois un imam. Même quand tu pries seul, essaye au minimum, yani de faire le minimum de la perfection, de dire 3 fois et de méditer ce que tu dis. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil A'la. Et si tu peux dire plus, c'est encore mieux pour toi. Mais quand tu es imam, 3 fois est suffisante. Et si tu diriges des gens, tu sais, ils aiment bien prolonger la salat, tout ça, il n'y a pas de mal à dire 10. C'est comme ça que priait le Nabi alayhi salatu wassalam. Mais celui qui prie seul, il peut dire autant qu'il souhaite. Ça, c'est la 4e et la 5e obligation. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Tout en sachant que pour beaucoup de savants, ces 2 invocations, ou ces 2 adhkar, ces 2 évocations dans Salat, ce sont des sunan et non pas des obligations. Mais le fait que Nabi alayhi salam les a toujours dites dans sa Salat, et il n'a pas été rapporté de lui qu'il ne les a pas dit. Et ses compagnons également. Et c'est la compréhension de ses compagnons également. C'est pour ça, il ne faut pas les délaisser. Il ne faut pas les négliger. Il faut les dire tout le temps. Obligatoirement, 1 seule fois. Et encore mieux, 3 fois. Et si tu peux jusqu'à 10, c'est encore mieux. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé sa parole, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Depuis qu'Allah lui a révélé ce verset, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, le Nabi alayhi salam n'a jamais délaissé de dire فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, rendant gloire au nom de ton Seigneur, le très grand. Depuis qu'Allah lui a révélé ce verset, il l'a dit dans le ruku', il a dit ij'alouha fi ruku'ikum, dites-la dans votre inclinaison. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé sabbih isma rabbikal a'la, rendant gloire au nom de ton Seigneur le très haut, Nabi alayhi salam il leur a dit dites-la dans vos prosternations. C'est pour ça il faut pas négliger ce dhikr très important. La sixième obligation qui a été citée, Rabbighfirli, le fait de dire Rabbighfirli, Seigneur pardonne-moi, de le dire بين السجدتين, entre les 2 prosternations, c'est-à-dire dans l'assise, entre les 2 prosternations. Il y a d'autres adhkar qui ont été rapportés authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam qui se disent entre les 2 prosternations, notamment celui-là, Rabbighfirli, 1 seule fois, c'est l'obligation. Mais tu peux le répéter 2 fois, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Et il y a d'autres choses qui sont rapportées également comme Rabbighfirli warhamni واجبرني واهدني وارزقني et ainsi de suite. En tout cas, il faut dire quelque chose d'authentique. Et le minimum, c'est Rabbi Ghfirli une seule fois. La septième obligation, c'est At-Tashahhud al-Awwal, le premier Tashahhud. Et la huitième obligation, c'est l'assise pour ce premier Tashahhud. Donc le premier Tashahhud, contrairement au deuxième, c'est une obligation et non pas un pilier. La même chose pour l'assise, pour le premier tashahhud. C'est une obligation et non pas un pilier. Cela veut dire qu'elle se compense avec un sujoud sahou. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam, il a été rapporté de lui. Dans les deux authentiques, il a prié dhuhr, il a dirigé les gens dans dhuhr, et après la deuxième raka'a, au lieu de s'asseoir et faire tashahhud, il s'est levé, alayhi sallatou wassalam, sans faire tashahhud. Quand il a terminé sa salat, avant salam, il a fait deux prosternations de distraction. Et ensuite, il a fait salam. C'est pour ça, une fois que tu te lèves et que tu ne fasses pas le premier tashahhud, tu n'as pas le droit de revenir le faire. Le pilier en revient. Mais l'obligation, on revient pas. Une fois qu'on quitte la position, tu étais assis, tu t'es levé, tu peux plus revenir. Il y a des savants qui disent, tu peux revenir avant d'arriver à la position debout. Et d'autres, ils disent, du moment que tu quittes le sol, tu peux plus revenir. Du moment que tu quittes le sol, tu peux plus revenir. Si tu es proche de la position assis, tu peux revenir. Mais si tu t'approches plus de la position debout, ne reviens plus et compense ce manque avec deux prosternations de distraction. Ça, c'est par rapport à cette leçon. Je sais pas combien de temps reste. On va faire, je sais pas si on fait 47 minutes. Wallahu alam, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et le cours prochain, inshallah, nous ferons at-tashahhud. Tashahhud, comme ça, on prendra notre temps. Car si je commence tashahhud maintenant, on va pas lui donner le temps qu'il mérite. Tashahhud est la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les invocations qui sont dites avant assalam. Donc on va le réserver le cours prochain pour yani citer le maximum de choses qui peuvent nous être profitables et nous aider à méditer dans notre salat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Et profitez de ces moments qui restent avant le coucher du soleil de ce jour de Arafah. Si c'est aujourd'hui Arafah pour vous. Et faites cela même si c'est pas Arafah dans votre pays. Car comme je vous ai dit, wallahu alam, la vie le plus juste par rapport à Arafah, c'est qu'il est par rapport aux pèlerins. Il est lié à un endroit. Là qu'il n'y a pas de mal pour celui qui ne jeûne pas aujourd'hui, parce que c'est pas Arafah. Mais profitez de ce jour pour ceux qui jeûnent et de dua. De toute manière, c'est légiféré. Wallahu alam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.